Repas. Nos invités s'extasient sur l'originalité de la salade de lila, tandis que je joue à l'habitué. La pasta qui suit est une merveille de saveur. Je n'ai jamais vu Danka discuter avec tant d'animation. Il faut dire que lila est d'un abord facile. Après quelques minutes, on a l'impression de la connaître depuis des années. Mes deux amis échangent sur un tas de choses, riant à tout propos. C'est étrange. Et je me demande s'il s'agit d'un trait typiquement féminin. Quand l'une veut raconter une anecdote à l'autre, elle ponctue le début de son récit d'une pression sur le dos de la main, sur l'épaule. Je suis en pleine observation anthropologique. Si j'assiste à cette scène en spectateur attentif, je tâche de le faire du coin de l'œil, car, une conversation en entraînant une autre, nous bavardons également beaucoup avec l'Olek. Disons que j'essaie parfois d'en placer une. Mon ami est, comme à son habitude, très disert, et chaque épisode de sa vie professionnelle ou privée récente donne lieu à un récit épique et passionné, accompagné de mouvements de bras, d'engueulades virtuelles, de haussements de voix, de pauses, d'accélérations, de reprises. L'Olek a les talents d'un conteur, puisant son inspiration dans la vie quotidienne. L'avantage avec lui, c'est que je peux rater quelques secondes de l'histoire, afin de diriger mes oreilles vers les dialogues d'à côté, sans que ceux-ci n'interfèrent en rien sur ma compréhension de l'anecdote, tant les détails sont là, d'une précision foisonnante. Quand je m'échappe silencieusement des conversations parfois monologuées de l'Olek, j'ai l'impression de sauter quelques pages des Rougon-Macquart. Ça ne fait de mal à personne, et ça laisse de l'espace aux neurones. Après avoir terminé mes pâtes à la putanesca, le vin aidant, je m'insurge avec emphase contre cette appellation à la limite de la vulgarité qui n'a pas le goût de son nom, et je menace de jeter au cachot le baptiseur en le rouant de coups, voire de le pendre haut et court, s'il insiste. Puis Lila va chercher le dessert avec cérémonie, ménageant la surprise. Quand Danka en découvre la nature, elle crie comme une furie dans des tons suraigus. « Elle adore le tiramisu !» comprends-je tout en retrouvant peu à peu une partie de mon nuit. Au milieu de mes acouphènes, la phrase de l'Olek me revient en mémoire. Danka a deux nouvelles à t'annoncer, une bonne et une bonne. Interrompant alors la frénésie boulimique de mon ami qui attaque le dessert avec détermination, je cède à la curiosité. « Dis-moi, Danka, c'est quoi la seconde bonne nouvelle? Tu attends des jumeaux ?»« Non !» me répond-elle en me pouffant une salve de tiramisu au visage. Oh, pardon, non, c'est complètement autre chose. Tu connais la librairie qui s'est ouverte en ville l'année dernière? Oui, je suis déjà passé devant, lui réponds-je en m'essuyant le visage à l'aide de ma serviette. Les propriétaires sont très dynamiques. Ils organisent des ateliers d'écriture, des lectures, des dédicaces. Ah? Oui. Et donc, la semaine prochaine, il y a une séance de dédicaces chez eux. Ah bon? Devine qui c'est qui vient? Mais je ne sais pas, Danka. Tu sais bien que je ne vais jamais aux dédicaces. Peut-être, mais devine qui vient. Mais comment veux-tu que je devine? Fais un effort, Miloche. Imagine quelqu'un que tu aurais envie de voir, un écrivain. Je ne sais pas, vraiment. J'ai une petite idée, mais je n'en parle pas à mon amie. C'est trop invraisemblable, elle va me trouver ridicule. Je vais t'éclairer un peu. Il a écrit, entre autres romans, Danka me cite plusieurs titres des livres du seul auteur dont toute l'œuvre de papier est soigneusement rangée dans ma bibliothèque. Mon estomac se noue. Non. Si. C'est vraiment lui. Oui, Miloche. J'ai. Exactement. Tu me charries. Non, Miloche. Je ne me permettrai pas. Pas avec lui. Il a de la famille par ici. Et la propriétaire de notre petite librairie a réussi à le persuader de venir faire une séance de dédicace. C'est pas génial, ça? C'est pas vrai. Mes intestins entament maintenant des nœuds de marin compliqués que même Aimé ne doit pas connaître. Tu peux pas rater ça, Miloche! Je ne sais pas quoi dire. Mais ne dis rien. Tu vas y aller, Miloche. Tu vas y aller. Mais, Danka, c'est dans la journée, tout est ouvert. Il y aura plein de gens. Oui, je sais, ça paraît compliqué comme ça, mais il faut que tu fasses l'effort. Tu ne veux pas y aller pour moi? Tu lui dis d'écrire... Pour Miloche, sincèrement, j'ai. C'est pareil si c'est toi. Je peux pas, on n'est pas là ce jour-là. On va passer le week-end chez les parents de Lolek. Ah mince. Et toi, Lila, ça t'embêterait d'y aller pour moi? Je peux pas non plus, j'ai piscine. Toute la journée? Oui, je m'entraîne pour traverser la Manche à la nage. Ah bon? Oui, et après, je ferai le détroit de Gibraltar. Non, mais c'est dangereux, Lila. Mais non, Miloche, je plaisante. Je peux me libérer sans problème. Tu m'as fait peur. Mais je le ferai pas. Pourquoi? Ton idole, Miloche. Tu m'en as parlé le premier jour où je suis venu chez toi. Tu lui voues un véritable culte. Il passe à quelques kilomètres de chez toi, et tu vas pas aller le rencontrer? Mais Lila, imagine que par miracle, je parvienne à la librairie sans me faire écraser. Imagine encore que je serre la main de G sans m'évanouir, que je discute avec lui quelques minutes, et que je m'aperçoive que c'est un homme imbuvable, prétentieux, antipathique au possible, ou simplement de mauvaise humeur l'après-midi de notre rencontre. Qu'est-ce que je ferais dans ce cas? Dans ma bibliothèque, son visage mauvais, celui qu'il m'aura montré ce jour-là, sera désormais collé sur chacun de mes livres. Je ne pourrai plus ouvrir aucun de ses romans, j'aurai perdu une part essentielle de ce qui fait mon bonheur terrestre. Un jour, de rage, je brûlerai son œuvre, ma bibliothèque avec, et je resterai à l'intérieur pour mêler mes cendres à cette incandescente ignominie. Tu ne te rends pas compte, Lila? T'en fais pas un peu trop, non? Ah, il n'y a pas que moi qui le dis, intervient Lolek comme pour en rajouter une couche. Je peux pas, dis-je. Je peux pas. Tu vas pas passer ta vie à faire la taupe. Regarde-toi, t'es tout blanc. Tu vis renfermé dans ton cocon étanche. C'est beau le monde avec de la lumière, ça respire. Il y a des gens partout, des gens avec des visages. Tu vois tout dans leur face. La misère, la haine, la concupiscence, la cruauté. Tu vois aussi la joie. Le désir de partage, la générosité, l'amitié, l'empathie, le bonheur d'être ensemble. Tout n'est pas noir dehors. Il n'y a pas que des dénonciations à chaque coin de rue, des meurtres, des vols, des viols. Enfin, Miloche. Mais si, Lila, parfaitement. Il y a des délateurs à tous les coins de rue, justement. Ils sont prêts, dès aujourd'hui, à refaire un génocide, à dénoncer leur voisin qui a un nez ou une vie comme il ne faut pas, à se charger de l'exécuter eux-mêmes. Un collaborateur sommeille à l'intérieur de chacune des cervelles, de chacun des gens du dehors. Si la commandante Ourle leur demande, ils sont capables de nous anéantir d'une simple parole, d'un doigt tendu vers nous. « Mais Miloche, la guerre est finie, » me dit doucement Lila, « depuis longtemps. »« La guerre est finie? Tu oses dire que la guerre est finie? Et les Judas, les bourreaux, tu en fais quoi? Ils sont là, ils se reproduisent. Quand un d'entre eux meurt, un autre renaît, tout neuf, avec les mêmes gènes, en pire. C'est dans l'air. Bon, on en reparlera demain. Non, on ne reparlera de rien demain. J'ai un coup de barre, moi. Allez, nous, on vous laisse. Enchaînent Lolek et Danka en se levant. Je ne vous chasse pas. Vous pouvez prendre un petit alcool avant de partir, leur dis-je. Merci, Miloche. Mais je crois qu'il n'y a plus la place, me répond Lolek. En plus, il faut ménager la future maman. Ça a besoin de beaucoup de sommeil, ces trucs-là. Nous nous embrassons. Nos invités nous remercient pour ce bon repas. Ils me glissent chacun dans l'oreille qu'ils sont très contents de connaître Lila. Et encore plus que nous soyons amis, elle et moi. Puis je vais m'affaler dans mon fauteuil, jambes raides. « Au revoir, les copains, » leur dis-je faiblement. « Je suis content qu'il y ait un nouvel ami qui pousse dans ton ventre, Danka. Très content. » Lila les raccompagne jusqu'au portillon. Je les entends discuter et rire encore quelques minutes. J'aime ce bruit de voix joyeuse au loin. Cela se passe chez moi et me fait chaud au cœur. J'entends dans un brouillard des portières qui claquent. Puis je ne lutte plus. Je sombre dans un sommeil d'enfant.